Chapitre 15e, la télévision. Josette Sublet commençait petit à petit à se détendre. Aussi Dutilleul choisit de poursuivre l'interrogatoire. Avait-elle des moments difficiles? Comme tout le monde. La fin d'année était toujours un peu dure à passer, et Maître Vérel me demandait de redoubler d'attention. « Ce que vous avez fait ?»« Oui, j'étais bien payé, alors, quand on peut rendre service. »« Connaissiez-vous Malik Boucharif ?»« Oui, un peu. » Au début, je ne l'aimais pas trop. Je le trouvais bien trop âgé pour Marion, et puis... Oui. Eh bien, on voyait bien qu'il n'était pas du même monde. Il avait une de ses dégaines avec sa casquette rouge. Pas vilain garçon, ça, non. En fait, il faisait plutôt un joli couple. Mais Marion faisait petite poupée à côté de lui, toute fine, une porcelaine. Était-il méchant, directif? Non. Je crois qu'il aimait vraiment Marion. Il faisait à manger. Bien sûr, il laissait tout le chantier derrière lui. Mais il se débrouillait vraiment pas mal et, au moins, Marion mangeait autre chose que des surgelés. Comment se comportait-il avec vous? Toujours correct. Il sentait bien que je n'approuvais pas leur relation, mais il n'était pas agressif. Si donc, je vous ai bien comprise, vous rendiez compte à Maître Vérel. Dutilleul s'estimait heureux. Josette Sublet se livrait finalement assez facilement. Oui, il était très à l'écoute. Il avait vraiment à cœur les intérêts de Marion. Étiez-vous au courant de sa situation financière? Vaguement. J'ai cru comprendre que la petite avait pas mal d'argent. Comment en êtes-vous venu à le penser? Ben ça, dit Lucienne Sublet, c'était plutôt simple. Elle habitait quand même dans un quartier assez cher. L'appartement était très bien, un deux pièces, mais le loyer devait coûter les yeux de la tête. La tranquillité a un prix. Connaissiez-vous les voisins? Absolument pas. En fait, je n'ai jamais croisé beaucoup de monde. Et dans ce genre d'endroit, qui se soucie d'une femme de ménage? Il n'y avait pas de gardienne? Non. C'est plutôt curieux. Pas vraiment. Ce sont surtout des cabinets d'avocats qui sont installés là. Il y a aussi des assureurs. Ce qui implique que l'immeuble était pratiquement vide tous les week-ends. Cela ne gênait pas Marion? Apparemment pas. Elle était assez solitaire. Des amis? Pour la première fois, Dutilleul sentit une vraie réticence de la part de Josette Sublet. Oui, deux ou trois, mais pas du tout du genre de Marion, répondit Lucienne Sublet d'un air pincé. Qu'entendez-vous par là? Ben, je ne voudrais pas trop dire, mais c'était le genre fille à papa, très gâté, vêtements de marque, jamais habillé de la même façon, maquillé comme pour aller au bal et lourdement parfumé. Certainement pas méchante, mais pas sympathique non plus. Mieux valait ne pas trop regarder dans les coins. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y en avait une, Jessica, qui collait du fond de teint partout. Vous n'auriez pas un nom par hasard? Cela, non. Je vous ai dit, nous n'étions pas intimes. Ce n'est pas grave. En dehors de Malik Boucharif, Marion fréquentait quelqu'un d'autre? Ah non, alors. Comment pouvez-vous vous montrer si affirmative? Je vous l'ai dit, elle était sérieuse et j'ajouterais même méfiante. Elle avait conscience qu'elle pouvait être la proie idéale pour des gens un peu scrupuleux. Maître Vérel ne cessait de le lui répéter à chaque occasion, ce que j'approuvais, même si Marion n'avait vraiment rien d'une tête de linotte. Que savez-vous des rapports qu'ils entretenaient? Lucienne Sublet se fit soudain plus affirmative. Maître Vérel était vraiment la personne idéale pour gérer les affaires de Marion. Certes, c'est un homme assez strict, voire même un peu vieux jeu, mais je sais qu'il aimait profondément Marion. Je crois qu'au fil du temps, elle était devenue comme une fille supplémentaire. C'était d'autant moins difficile qu'il en avait lui-même une du même âge. Il savait donc exactement comment il devait se comporter. Pardon, mais vous n'avez pas répondu à ma question précédente. Y avait-il, oui ou non, un autre garçon dans le périmètre de Marion? Non, il n'y avait que Malik Boucharif et, bien sûr, ce garçon qui a aidé à porter la télé. Gentil aussi, celui-là, et très bien élevé. Je crois qu'il n'est venu qu'une fois. Vous n'avez pas retenu son nom? Lucienne eut soudain l'air gênée. En fait, j'avais fini mes heures. Mon dos me faisait mal et j'avais hâte de rentrer chez moi parce qu'il y avait des problèmes dans les transports. Comme Malik était là, je ne me suis pas inquiété. Le garçon que vous avez vu n'aurait pas pu être un livreur par hasard. Je n'ai pas vu de camionnette de livraison. Non, non, je suis pratiquement sûr que le garçon accompagnait Malik. Vous rappelez-vous de la date? Précisément, non. Mais il me semble toutefois que c'était un bon mois avant. Je me suis toujours demandé pourquoi Marion avait choisi une télévision si grande. sans doute pour faire plaisir à Malik, pour qu'il puisse regarder son maudit foot. La réprobation contenue dans cette dernière phrase n'échappa pas à Dutilleul. Vous n'approuviez pas ? Non. Je trouvais que Marion contentait un peu trop les désirs de Malik. Désir ? Iriez-vous jusqu'à dire que c'était un caprice ? Non, pas jusque-là. Je dirais plutôt qu'il s'agissait d'un désir très fort. Je n'étais pas la seule, d'ailleurs. Maître Vérel n'a pas vu cette acquisition d'un très bon œil. Il a fait comprendre à Marion qu'il était inutile de réclamer une parabole, car elle essuierait alors une fin de non-recevoir de sa part. Je crois qu'elle en était un peu dépitée, mais Maître Vérel s'est montré très ferme. Il n'était pas là pour financer de façon détournée Malik Boucharif. Il avait des comptes à rendre et l'appartement coûtait assez cher. Comment Marion a-t-elle pris la chose ? Très bien. C'était une bonne fille qui aimait les relations claires. Arrivait-il à Marion de partir en week-end ? C'est arrivé, mais c'était plutôt rare. Je me souviens aussi qu'elle n'aimait guère un certain Mousseron. Vous est-il arrivé de croiser ce dernier ? Non, jamais. Mais je savais que Marion le voyait deux fois l'an, et que cela ne lui faisait pas très plaisir. Dutilleul redoubla soudain d'attention, car le point pouvait se révéler intéressant. « Pourriez-vous être plus précise ?»« Ben en fait, je crois qu'elle n'était pas très à l'aise. »« Bien sûr, il était toujours très correct, mais Marion le trouvait très froid. »« Autre question. Passiez-vous tous les jours chez Marion ?»« Oh non, ce n'était pas utile. Je vous l'ai dit, Marion était plutôt propre. Nous avions convenu toutes deux que je ne viendrais que le lundi et le jeudi. »« Quand vous avez trouvé Marion ?» Vous rappelez-vous si la porte était ouverte ou fermée ? Croyez bien que je m'en rappelle. La porte était bien fermée, mais le verrou n'était pas enclenché. C'est pour cela que j'ai paniqué. J'ai compris tout de suite qu'il se passait quelque chose de pas normal. Comprenez-moi, Marion s'enfermait toujours. Je le lui avais bien recommandé, car vous savez, dans ces immeubles, il n'est pas rare qu'il y ait du démarchage. Il est arrivé que des gens viennent sonner à la porte, mais Marion n'ouvrait jamais, surtout si elle était devant ses cours. Y a-t-il eu du mouvement dans l'immeuble quand vous avez découvert le corps ? Non, pas au début. Pourtant, croyez bien que je criais de toutes mes forces. Je me souviens seulement du moment où les clients du cabinet d'à côté ont commencé à réaliser. Ils se sont mis dans le passage et les secours ont été obligés de les faire partir sans ménagement. Mais en dehors de ça... Dutilleul se rappela soudain d'un point important. Savez-vous par hasard ce que sont devenues les affaires de Marion ? Ça... Je n'en ai aucune idée. Je pense que Maître Vérel s'en est chargé. Pour ma part, il était impossible de retourner à l'appartement. Je n'arrivais pas à oublier son expression d'effroi. Pauvre petite, morte, toute seule, dans la solitude la plus complète. Vous savez, j'ai eu vraiment mal. Et je n'ai pas honte à vous avouer qu'elle me manque. Si seulement tous les clients pouvaient être comme elle. Il me tarde vraiment de prendre ma retraite. Parce que ce travail me fatigue de plus en plus. Enfin, encore 2 ans à tenir et je pourrai rendre mon tablier. Lucienne Sublet se remit à pleurer doucement et Dutilleul se sentait incapable de la réconforter. Après une dernière caresse à Doucette, il prit discrètement congé. Finalement, il était assez satisfait de la récolte. L'épisode de la télé l'intriguait. Il pressentait qu'il devrait retourner à Fleury, mais pas tout de suite. Autant grouper les questions au maximum. Pourtant, Dutilleul était gêné. Pourquoi donc Malik Boucharif ne lui en avait-il pas parlé ? Il n'y avait certainement pas malice de sa part. L'épisode était parfaitement anodin en soi. Pourtant, Dutilleul sentait qu'il se devait d'en apprendre davantage.